grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Hey, bienvenue à Grain de sable, ici Jean Cloutier en compagnie d'Étienne Blondeau et d'un représentant de la patente. Je ne sais pas c'est quoi la patente, hein? Maxence, tu vas nous en parler un peu plus tard. Maxence Joseph, merci d'être avec nous en studio. Bonjour, merci. En deuxième partie, reste avec nous hein, vers 14h30 après la pause musicale ou commerciale, c'est selon ce qui s'en viendra. Nous aurons Lucie Sauvé. Elle a publié un texte vraiment intéressant. C'est toujours ressourçant de lire des gens qui pensent comme nous et puis qui ont une belle plume. L'engagement écologique au cœur de la cité, la meilleure école de l'éco-citoyenneté et la mobilisation elle-même par laquelle se développe une identité territoriale et politique, de même qu'une éthique du commun, du bien commun, évidemment. Vous l'avez bien compris. Donc, Lucie Sauvé, merci, qui est l'auteur de ce texte dans le dernier opus de la revue Relations, le numéro 786, hein, c'est pas d'hier, c'est le 75e anniversaire, le numéro d'octobre 2016, avec une belle page couverture. Couverture 1 d'artiste invité Geneviève Côté. Félicitations, vraiment. Des belles fleurs, des feuilles d'automne. Donc, on abordera cette question de l'éco-citoyenneté avec Lucie Sauvé, professeure au département de didactique et directrice du Centre R, soit le Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, donc de l'UQAM en plus. Donc, évidemment, vous avez compris que par téléphone, on rejoindra Mme Sauvé. Mais d'abord, revenons donc au Forum social mondial. Vous avez dit que, dans le fond, en y ayant participé avec Dominique Bernier, Étienne Blondeau, moi-même et toute l'équipe d'Attaque Québec qui venait de plusieurs pays dans le monde, on a vraiment participé à beaucoup d'activités. Tu as représenté Attaque Québec dans combien d'ateliers, toi, Étienne Blondeau? Bonne question. Moi, en tout cas, j'ai animé une activité qui était sur la création monétaire, là, mercredi, dans cette semaine-là, au Forum. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je pensais vous parler de l'activité qui s'appelait « Désarmer la finance ». Parce que à cet événement-là à Montréal, il y avait des progressistes qui venaient des quatre coins de la planète et qui faisaient souvent des constats assez pénibles à entendre parce que c'est ça, la gauche est en difficulté dans plusieurs endroits de la planète. Alors, ce qui était bon d'entendre à cette activité-là, c'est comment on peut désarmer la finance. La finance qui est un adversaire assez puissant, vous l'aurez compris. Eh bien, il y a quand même quelques trucs, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'experts, d'économistes, d'attaques qui étaient présents à cette activité-là. On avait comme intervenants Frédéric Lemaire, Dominique Plion. Tous les deux venaient d'Attaque France. Il y avait le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Il y avait aussi Cédric Durand, l'Université Paris 13. Alors, il était là pour parler, d'abord faire une espèce de résumé de la situation, de la puissance de la finance et comment essayer de la réduire pour permettre aux gens d'avoir une vie plus facile, disons. Parce que le problème actuel, c'est que la finance fait des produits de plus en plus complexes qui n'ont aucun rapport avec l'économie, qui représentent ce qu'ils ont appelé du capital fictif. C'est-à-dire, en finance, on valorise des profits anticipés. Même pas des profits réels ou qui vous viennent au jour le jour, des profits dans le futur, imaginaire, on pourrait dire. Alors, c'est vraiment des activités assez inquiétantes, surtout quand c'est des transactions qui se font à, comment dire, milliers, millions de fois par seconde par des ordinateurs. C'est assez inquiétant. Alors, et surtout, l'activité dont on parle jamais assez, la plus inquiétante, c'est les banques centrales de chaque grand pays. Ce qu'ils font, c'est l'assouplissement quantitatif. Des fois, le monde entend plus le terme anglais, là, quantitative easing. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent de l'argent à toute vitesse, en quantité ahurissante, pour gaver les banques, pour que celles-ci continuent à faire leurs transactions en ayant plein de liquidités, plein d'argent, jusqu'à plus soif, pour faire leurs transactions malsaines, qui nous causent, qui font qu'on a une crise financière sur les bras à tous les quoi, 8-10 ans. Ouais. Alors vraiment, c'est ça. Et ça cause le problème, surtout pour les retraités. Parce que créer de l'argent comme ça par les banques centrales, ça cause notre situation actuelle où les taux d'intérêt sont bas. Des fois, on peut parler de moins 0,04%. Là, on est dans le négatif. Alors, vous êtes un retraité. Vous placez vos retraites en individu responsable et là, vous espérez que ça fructifie. Mais si le taux est négatif, votre argent qui est censé fructifier, qu'est-ce qui se passe? Votre argent rapetisse, la retraite ne va pas être très joyeuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des retraités qui ont des taux négatifs sur leur épargne et des banques centrales qui créent... Ouais, il avait sorti un chiffre. Il avait donné l'exemple, juste la banque centrale en Europe a créé 50 millions de l'équivalent du salaire minimum. Quelqu'un sur le salaire minimum oui. En Europe, ce qu'il gagne en un mois, eh bien, la banque centrale européenne, elle crée ça fois 50 millions et elle donne ça directement aux banques. D'ailleurs, il y a des projets de loi intéressants qui sont présentés en Europe où on doit justement faire un calcul entre le salaire moyen d'un ouvrier par rapport au salaire des banquiers. Il faudrait que je fasse des recherches, mais il me semble avoir vu ça passer, que des projets de loi, on limite les salaires des hauts dirigeants en fonction de leurs propres employés. Là. Oui, la situation est vraiment inquiétante et on a besoin de lois pour encadrer parce que c'est l'anarchie. Et en même temps, il y a les services publics, c'est ça, les banques centrales qui gavent les banques. C'est aussi simple que ça. Alors, on arrive à l'heure d'un choix. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dégonfle cette bulle, cette création au profit des banques effrénées? Ou est-ce qu'on fait un assouplissement quantitatif, mais pour le peuple? Je disais plutôt qu'il crée l'équivalent de 50 millions de revenus minimum. Pourquoi le donner aux banques qui sont, on va s'entendre là-dessus, les individus les plus riches? Pourquoi pas les donner aux gens ordinaires, aux gens les plus démunis? Alors, c'est ça la question. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on on essaie de détruire un peu la position extrêmement puissante des banques? Dans plusieurs propositions qui sont faites à cette activité-là au Forum social, là, Désarmer la finance, ont été proposées par l'économiste Dominique Plion. Alors, lui, il dit on a beaucoup de choix, tous intéressants, pour mettre des règles à l'activité des banques. Par exemple, les mettre au service de la société, les casser selon leurs activités. Comme ça, il y aurait juste des banques qui s'occuperaient de votre épargne. Vous placez l'argent là, ils ne vont pas la jouer à la bourse, comme certains jouent leurs sous au casino. Et les banques d'investissement ou qui font les prêts pour les entreprises, ce serait séparé. N'utiliserait pas votre épargne pour ça. Ce sera une activité séparée, des banques séparées. Et enfin, les banques plus du style d'activité financière seraient aussi séparées. Alors, en gros, ce serait de casser les banques en trois selon leurs activités pour que plus jamais vos épargnes ou l'argent de votre retraite servent au casino, finalement. Alors, ce qu'ils proposaient, c'était aussi... les groupes qui contrôlent les banques, qui prennent les actionnaires, ne devraient plus être les seuls à prendre des décisions. Ce serait bon que les employés, y compris les employés des petites banques, des succursales, aient leur mot à dire, siègent aussi parmi les actionnaires pour dire ce que doivent faire les banques à chaque année, qu'il y ait des représentants syndicaux, peut-être des représentants de la société civile aussi, pour siéger et décider, au même titre que tous les autres. Il y a aussi l'option que les banques deviennent des coopératives. Le modèle coopératif est toujours très intéressant. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de Québécois qui étaient dans l'assistance qui ont dit que, bon, l'exemple de Desjardins n'est pas toujours stimulant. Non, la commission parlementaire qui avait la semaine dernière, où Alain Deneau est venu présenter, ainsi que Roger Lanoux d'Attac Québec, sont venus présenter leur mémoire dans cette commission parlementaire spécialement axée sur les paradis fiscaux. Et effectivement, Alain Deneau a ouvert une porte, ainsi que Roger Lanoux, sur le fait que Desjardins serait très actif à la City de Londres, qui est un de ces paradis fiscaux faits vraiment pour ces grandes banques, ces grandes institutions. Et s'il y a un endroit qu'on devrait désarmer ces institutions supporté par les États. Eh bien, c'est bien à la Cité de Londres, dans ce quartier financier qui gouverne. On pense souvent que c'est New York, mais je pense que ça se passe pas mal à Londres, ce que dont tu oui, tu dénonces. Absolument. Le grain de sable que tu nous proposes. Oui, c'est ça. C'est vraiment une plaque tournante. Là, des jardins, peut, là. Des gens, là. On peut même pas concevoir les chiffres là, de la masse d'argent qui transige à la City chaque année. Là. C'est vraiment des quantités d'argent ahurissantes. C'est pour ça qu'il faut essayer de corriger la situation et... C'est ça, Dominique Plion est économiste, il avait plusieurs propositions. Il proposait aussi un autre choix, ce serait de nationaliser les banques. De ne pas en faire des coopérations, mais carrément un service. Est-ce qu'il y a des public. Exemples dans le monde? À part, ben, on peut comprendre Cuba, certains pays extrémistes, mais Maxence, c'est un exemple? J'en ai beaucoup, en fait. Ce qui se passe, c'est que c'était la situation qui existait avant justement qu'on retire les compartiments entre les banques. Les trois activités bancaires que tu me proposais étaient la situation avant 1970 où les banques étaient cloisonnées. Les assurances ne pouvaient pas jouer avec l'argent de l'épargne, des épargnants, etc. Ce qui fait que ça existait avant, puis on a retiré ce modèle-ci en disant que les banques étaient suffisamment conformes et aptes au changement et pouvaient désormais s'auto-réguler, ce qui bien sûr n'a pas été le cas. Maxence Joseph, merci de la patente. Et on reviendra à la patente peut-être pas à la même adresse, mais je sais que tu travailles avec Laurent Mettet. Oui, c'est l'ami local. Il est déjà venu nous parler de la patente et de la monnaie locale. Et ça, c'est un sujet intéressant. Il y avait des ateliers. Je suis allé au Forum social mondial participer spécialement à des ateliers où on voulait créer des monnaies complémentaires locales, mais les rendre transnationales. Il y a un groupe en Suisse, dont mon ami, ancien chef du Parti vert des Suisses là-bas, Jean Rousseau, qui souhaite une union de ces monnaies locales. Et peut-être qu'on abordera le sujet tout à l'heure, où on invitera Laurent Mettet à nous en parler, parce que je sais que Laurent Mettet a eu la chance de rencontrer dans le cadre des ateliers de convergence du Forum social mondial, des gens de d'autres villes, de d'autres pays, de d'autres continents qui souhaitent s'unir pour compétitionner les banques, finalement, avec leur propre monnaie. Oui, et le modèle de banque publique fonctionne. De mémoire, c'était au Dakota que j'avais entendu parler de cette banque-là qui existe depuis 100 ans, une banque d'État et qui est essentiellement plus prudente que les banques privées. Hein. Les exemples de banques publiques ne vont pas se lancer à corps perdu dans des idées aussi folles que, par exemple, cette histoire-là des subprimes, hein, les hypothèques données à des gens qui n'ont aucun moyen, aucun espoir d'un jour les rembourser. Les banques privées qui devaient prêter à toute vitesse pour avoir leur rendement, leurs objectifs de profit, elles le faisaient sans arrêt, mais les banques publiques, les banques d'État, étaient plus prudentes. On avait l'exemple aux États-Unis. Alors, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Alors que leur système bancaire est vraiment axé sur le privé. La fameuse la Fed. Oui. C'est une douzaine de banquiers privés qui gouvernent ce pays avec le taux d'intérêt. D'ailleurs, récemment, c'était leur dernière rencontre avant les élections présidentielles. Et on a vraiment senti que ce qu'eux décident a une influence sur le futur président des États-Unis. Donc, le futur... hégémon de cette planète. Alors souvent, c'est une douzaine de banquiers qui se réunissent à New York qui n'ont rien à voir avec les objectifs du bien commun des institutions publiques qu'un État national doit représenter. Oui, la Fed est vraiment strictement privée et c'est une partie du problème. Et c'est ça, une autre proposition de ce même M. Plion-là, c'était les banques publiques d'investissement pour les gros projets à long terme, parce que les banques privées qui voient à très court terme, ils veulent leur profit tout de suite, ils veulent que ce profit-là soit certain et qu'il arrive demain. Alors, c'est impossible de faire des gros projets de construction ou pour améliorer la vie des gens, par exemple, en région, des projets dont la profitabilité est peut-être un peu plus difficile à prévoir et arrivera certainement pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a besoin de banques publiques. Donc, ici, concrètement, on parle de la Caisse de dépôt et de placement. Essentiellement, mais même celle-là, quand Attac est allé remettre son... son rapport sur les paradis fiscaux, on voyait que oui. que cette que c'est ça, notre caisse aimait placer aussi dans les paradis oui. fiscaux, et c'était assez. Oui, c'est Attaque-Québec faisait référence à l'annexe de leur rapport annuel où on énumère la liste des entreprises dans lesquelles la Caisse de dépôt a investi cette année-là. Et on y retrouve des dizaines d'entreprises qui sont officiellement connues, ouvertement connues comme étant des bénéficiaires, c'est une façon de parler, de l'évasion fiscale et certes de paradis fiscaux très connus. D'ailleurs, on voit sortir peu à peu à compte-goutte le Panama Papers, le Bahama Hoarders, comme on dit. Donc, est-ce qu'on tolère ça? Si toutes ces entreprises payaient leurs propres impôts, on ne serait pas dans la situation d'austérité actuelle. Ça, c'est une des choses que j'ai retenues du Forum social mondial, dans les ateliers qu'on participait, entre autres, une sur la dette publique, la dette dont Attaque-Québec a fait un livre. Et d'ailleurs, la conférence lancement de la dette du Québec, vérité et mensonge, se fera à Montréal le mercredi 12 octobre, au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panay, à Montréal, métro Beaudry. Bon, pour ceux qui sont dans la région de Montréal ou qui vont être à Montréal à ce moment-là ou qui s'intéressent à rencontrer les auteurs, dont Audrey Lorrain-Lamotte, sociologue, Filio Kafka, ou Chantal Santerre, comptable et enseignante en comptabilité, Claude Vaillancourt, le président d'Attaque-Québec, seront tous évidemment au lancement 18h le mercredi 12 octobre. Mais ils se préparent un lancement à Québec, on vous tiendra au courant. Ça vaut la peine. Même David Lemelin, qui anime l'émission précédente, je l'ai vu partir avec sa copie tout à l'heure et il se promet bien d'en parler à quelques-unes de ses émissions. Donc, ça pourra arriver qu'on parle pendant 2 heures de temps de ce livre-là, éventuellement quand il sera officiellement lancé. Mais nous, on vous promet d'inviter un invité à chaque chapitre. Et Chantal Santerre, qui était là, Claude Vaillancourt, et on participait à un atelier aussi avec Dominique Pilon, qui était sur la dette, et j'ai beaucoup aimé justement ses commentaires à Dominique Pilon, qui nous donnait cet aperçu, qui faisait référence à ces grandes banques et ces solutions. Les solutions existent, n'est-ce pas, Étienne? Oui, absolument. Je pourrais peut-être en parler un peu plus tard en émission. Oui. Des solutions. Ben, je sais pas, êtes-vous allé au Festival de cinéma de Québec? Moi, j'ai pas eu la chance. Je sais pas trop. Peut-être les soirs que j'étais disponible, les films m'intéressaient pas. Ou, en tout cas, peu importe, d'aller me faire geler à Place d'Youville à 4 degrés Celsius le soir. Je trouve ça original de pouvoir voir des films gratuits à l'extérieur. Hier, j'aurais bien voulu, mais... Bon, ça n'a pas donné. Je trouvais qu'il faisait un peu trop froid, mais allons donc voir ce que ça donne le cinéma muet. Chapeau à 15 musiciens d'orchestre symphonique hier. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais qui ont joué la musique sur un film, La ruée vers l'or. Je sais pas si Charlie Chaplin avait vécu de nos jours. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de tout ça? Lui qui a fini ses jours en Suisse puis a été traité de communiste. C'était le tout premier rôle qu'il avait au cinéma. Il bougeait les mains sur le piano, tout seul dans un coin du plateau. C'était la scène du bar, dans la fumée des cigares. Il y avait les brigands et la star, et soudainement la bagarre. Pendant que planaient les chaînes et les bouteilles, puis il continuait calmement son solo au piano, jusqu'au moment troublant où le gangster sortait un revolver. Ne tirez pas dans le dos du pianiste, ne brisez pas son piano, s'il vous plaît, monsieur le scénariste. Ne tirez pas dans le dos du pauvre pianiste, car sans lui, votre scénario serait bien trop triste. Il serait bien trop triste. Il eut son deuxième rôle chic piano bar d'un grand hôtel, somptueux décor pour amoureux, top tuxedo et piano à queue. Il y avait la femme fatale et son jeune amant qui dansait. Et puis tout à coup arrive le mari jaloux et brutal. Il leur jouait ses plus tendres mélodies, sans se douter que derrière lui, le mari fou de rage sur le couple volage braquait d'une arme les yeux pleins de larmes. Ne tirez pas dans le dos du pianiste, ne brisez pas son piano s'il vous plaît, monsieur le Sénat. Ne tirez pas dans le dos du pauvre pianiste, car sans lui, votre scénario serait bien trop triste. Il serait bien trop triste. C'était le tout petit rôle qu'on lui avait donné là. Ça suffisait pour manger, boire et dormir sous un toit. Et sur son clavier noir et blanc, comme sur ses vieux films d'antan, c'est lui qui inventait les couleurs, c'est lui qui laisse souffler aux acteurs, c'est lui qui jouait le piano du cinéma muet, le piano du cinéma muet. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, ne tirez pas dans le dos du pianiste. J'espère qu'il n'y a personne qui a tiré sur le dos du pianiste hier soir. Il y avait probablement plus qu'un pianiste, s'il y avait 15 musiciens d'orchestre symphonique pour jouer la musique sur un film muet, La ruée vers l'art. D'ailleurs, je salue un ami qui vit en Suisse maintenant et qui appartient à un musée. Yves appartient à un musée de Charlie Chaplin en Suisse. Ceux qui ont connu à Québec, Québec Expérience, un endroit où on apprend l'histoire de Québec, où on a une simulation d'explosion qui nous commémore la bataille des plaines d'Abraham. On entend même les chutes couler, on simule de l'eau qui tombe. Québec Expérience, dans le vieux Québec, sur la rue du Trésor, eh bien, ça a fait qu'il a développé une expertise. Et donc, je peux m'imaginer qu'au musée de Charlie Chaplin en Suisse, eh bien, qui est ce genre de trois dimensions, d'hologrammes qui représentent Charlie Chaplin. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ça, qui est la nouvelle qui a fait le tour du monde, où on représente Charlie Chaplin en trois dimensions, en hologramme, pendant qu'on le fait parler, raconter des histoires, et ça aurait été plaisant de lui poser des questions, outre qu'on puisse le voir en trois dimensions. Maxime Joseph, merci d'être avec nous aujourd'hui. La patente, c'est facile, une question facile. C'est quoi ça, la patente? Quelle sorte de patente que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, la patente? La patente, c'est un atelier coopératif. On met ensemble des gens qui ont des intérêts communs, puis des artisans qui ont l'expérience pour travailler sur du bois, du métal, du tissu, du cuir, de l'électronique, de l'informatique, puis bientôt même de la céramique. L'idée a démarré il y a 2 ans, puis l'objectif était vraiment d'avoir des artisans qui puissent partager leur savoir, puis des gens qui avaient des projets, puis des intérêts, qui voulaient apprendre justement à travailler sur ces matériaux, et donc à pouvoir créer des objets pour chez eux, pour des amis, pour des fêtes. Puis à la patente, actuellement, on a un nouveau projet. Quelque chose qui est né il y a 1 an à Montréal, puis qu'on voulait importer ici à Québec. Le projet, c'est une bibliothèque d'outils manuels. Dans le fond, mettre en commun des outils, marteaux, scie, perceuse, scie onglet, etc. Mais aussi des objets de la vie quotidienne qu'on utilise de temps en temps, mais pas si souvent que ça. Une fondue à raclette, une tente, des choses qu'on utilise 1 à 2 fois par an et qui pourraient avoir un intérêt d'être mis en commun, car c'est quand même dispendieux, puis qui pourrait justement profiter à plus de personnes pour un coût vraiment très réduit. ça fonctionnerait comme une bibliothèque. L'idée serait, il y aurait comme deux abonnements possibles. Un abonnement annuel qui serait à 5$ par mois, qui permettrait d'avoir accès à l'ensemble de la bibliothèque. Ou bien un abonnement à la carte. On pourrait payer 30$ pour avoir 30 points, ce qui correspondrait à peu près à une dizaine d'outils qui pourraient être empruntés à la carte selon les besoins. Mais est-ce que... je sais qu'il y a une joujoutèque qui fonctionne un peu comme ça pour les parents qui veulent emprunter des jouets, ce qui est une très belle idée au lieu d'aller acheter plein de cadeaux remplis de plastique, remplis de pétrole. On fait d'économie plus circulaire. On prend des choses. Est-ce qu'eux fonctionnent sur le même principe avec des points, des ci, des ça, des cartes de membres? Non, c'est le... Ben, il y a une carte de membre, oui, c'est sûr. Mais ça fonctionne vraiment à l'abonnement. L'idée est que le produit de base, c'est un abonnement de 1 an pour pouvoir justement avoir accès à l'ensemble de ces objets-ci. À Montréal, lorsqu'ils ont démarré, ils ont beaucoup fonctionné sur les dons des gens qui étaient retraités ou n'utilisaient plus leurs objets, puis qui ont donné ça à la communauté pour pouvoir justement que ce soit partagé par tous les utilisateurs, puis que ça puisse vraiment donner une seconde vie aux objets plutôt que de dormir dans un garage à ne plus être utilisé. D'ailleurs, le nom de cet organisme est original, La Remise. Je me souviens les avoir vus sous une tente à la foire Écosphère qui se déroulait au Parc Jarry après ou pendant, vers la fin du Forum social mondial. Ça avait commencé avec une marche sur la rue Sherbrooke et qui se terminait dans le quartier des spectacles, mais par la suite, les ateliers de convergence finaux ont été organisés dans le cadre de cette foire environnementale qui se déroulait au Parc Jarry, et une des tentes avait des organismes, et je me souviens d'avoir croisé un ancien collègue du Parti vert du Canada qui tenait le kiosque. Alors, je pensais qu'il tenait le kiosque du Parti vert du Canada. Ben non, il me dit c'est La Remise, je sais quoi. Il m'a donné la documentation et je trouve ça intéressant comme nom, La Remise. Ça fait partie de la mouvance Villeray en transition. C'est justement comme quoi il y a peut-être un petit lien avec les verts. Ben oui. Et puis c'est vraiment ça l'idée de ne pas acheter un objet ou une machine qui ne nous sert plus forcément, de pouvoir en faire profiter les autres, puis mettre ça en commun, parce qu'il y a aussi des coûts d'usure à des outils qui sont à réparer, etc. Et que c'est qu'est-ce qui arrive quand on brise un outil sans le vouloir? Il y a des bonnes intentions dans tout ça. Il y a deux possibilités. Nous, on va faire un suivi sur les machines plus utiles qu'on prête. Si lorsqu'on le prête, on voit qu'il est déjà sur le bord de briser, on ne va pas le prêter. Ou alors, on va dire, si jamais tu le ramènes puis qu'il est brisé, on va estimer que ce n'est pas de ta faute. Il y a des risques que les machines soient mal utilisées, puis c'est pour ça que les machines vont venir avec des fiches d'utilisation. Comment utiliser une perceuse, comment utiliser telle ou telle affaire. Un mode d'emploi. Exactement, de manière à justement éviter les bris. Sinon, s'il y a réellement des bris, la personne devra payer, mais ah oui, bon. c'est normalement clair. Pas... les statistiques que j'avais pu voir de justement la remise à Montréal n'indiquaient pas tant de bris que ça pour une année d'activité. Mais je sais que ça, à Québec, ça existait un petit peu, mais d'une manière un peu subtile, c'est que les gens qui demeurent chez Cohabitat, qui est un... Je te vois rire. Et je me souviens d'avoir participé à des ateliers il y a 10 ans de ça, quand ça commençait, puis qu'on cherchait un lieu, un endroit, j'aurais bien aimé, mais pour faute de moyens, parce qu'à un moment donné, ce projet-là, il fallait devenir propriétaire et pouvoir acheter quoi une sorte de condo à 200-300 000 $, peut-être même certains à 500 000 quand il y a des maisons de ville, maisons arrangées, qui font partie du complexe. Hein. Il y a un édifice commun avec certains condos qui donnent accès directement aux services qui ont été mis en commun. Mais un des services qui est dans le sous-sol de l'édifice principal de Cohabitat, c'est des outils. Imaginez-vous, on parle de 200 personnes qui vivent là, donc une 50aine de ménages certains, qui avaient chacun un marteau, qui avaient chacun un tournevis, qui avaient chacun une scie. Hein, vous savez, chacun chez vous, même quand on a un petit appartement, on a ces outils-là de base, là, histoire de pouvoir tourner une vis, puis planter un clou de temps en temps ou une punaise dans le mur pour s'installer un tableau. Et finalement, tout le monde se retrouvait avec 50 marteaux, 50 tournevis de toutes sortes. Et effectivement, ils ont fait un élagage, ils ont pris les meilleurs de chacun et puis ils ont rendu disponible dans le sous-sol. On peut, quand on a accès à la clé, avoir ce principe-là. Est-ce que vous avez un lieu où on peut tout simplement aller puis réparer nos choses, peut-être? Exactement. La patente sert en partie à ça. On répare beaucoup de machines. Puis bientôt, la patente devrait lancer un peu ce même mode que les Repair Café. Où justement les quoi? Les Repair Coffee. Explique-moi, c'est peut-être ton accent français, là. les cafés de réparation. Ah, OK, OK. Où les gens viennent avec leurs objets. On parle français ici. Ouais, c'est pas beau faire du shopping le week-end en car, là, mais nous, on aime bien ça les magasiner au centre d'achat. J'ai compris ça. Je t'agace, Maxime. Maxence. Mais oui, c'est ça. À la patente, on va bientôt avoir un café de réparation, justement, pour pouvoir faire profiter de plans de réparation sur différentes machines, puis que les gens puissent venir vraiment réparer leurs propres outils, leurs propres vêtements. C'est bien plus fun. Place. Tu tournes ta vis sur place. Puis tu parles, tu échanges, tu partages. On a déjà des formations reprisage de vêtements pour les gens qui font un peu de couture, mais qui ont encore quelques doutes sur comment est-ce que ça fonctionne. Pourquoi pas une machine à coudre en commun? Ben, exactement. Bon, ben coudonc. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça avant de terminer, Maxence Joseph, directeur de la patente? Pas encore, bientôt, mais en octobre, il devrait y avoir la fête de la patente, ce qui fait que j'inviterai les auditeurs à venir nous voir. À quoi ça ressemble une fête de patente? C'est bring your own tools? Pardon, amenez vos propres outils? Entre autres, mais non, l'idée est vraiment de célébrer la deuxième année de la patente en mangeant et en buvant ensemble. Bon, ben c'est bien, coudonc. On fera même. Il n'y a pas une place pour cuisiner sur place, tant qu'à. Non, pas encore, malheureusement. Partager. Merci beaucoup. Tu peux rester avec nous, hein, parce qu'après la pause, on a Lucie Sauvé, prof à l'UQAM, en éco-citoyenneté. J'ai bien hâte de lui demander ça fait combien de temps que ça existe. Il me semble que c'est des concepts assez nouveaux. Alors, puisque dans cette revue de septembre-octobre de relations, qui vient tout juste de sortir, elle est encore toute chaude, vous pouvez y voir. Entre autres, 40 ans de solidarité avec l'Amérique latine, un comité pour le droit humain en Amérique latine, un texte sur la Moldavie des élections contre l'oligarchie, secousse sismique au Brésil par Anne Latendresse. J'aime bien l'éditorial La culture unie, la religion divise. Trouver l'erreur par Jean-Claude Ravet, qui, je ne m'abuse, est rédacteur en chef, Jean-Claude Ravet, qui viendra prochainement des activités. On vous en reparle après la pause. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché. Mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. CKRL 89.1. L'Orchestre symphonique de Québec a l'honneur de recevoir le pianiste québécois de renommée internationale, Louis Lortie. Pour l'occasion, Louis Lortie dirigera l'orchestre et interprétera le plus célèbre des concertos romantiques français, le concerto pour piano numéro 2 de Saint-Saëns. Aussi au programme, la pétillante et humoristique 8e symphonie de Beethoven. Rendez-vous ce mercredi 28 septembre à 20h au Grand Théâtre de Québec. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Prendre la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Et je prends mon vieux cheval, et j'attrape ma vieille selle. Et je selle mon vieux cheval, pour aller chercher ma belle. Et je prends mon violon, et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille balle, pour faire mes amis. Et travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux. Moi je fais la musique, c'est presque tous les soirs. Après traîner tout partout, chanter dans un chicha bar. Et des fois tu connais, j'aimerais lâcher, m'en aller. Mais je suis venu ce soir pour le plaisir de chanter. Et travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Peut-être avez-vous reconnu HK et les Saltimbanques, c'est un disque sorti le 17 février 2014, qui est dans l'album Les Déserteurs. Vous avez tous reconnu et toutes travaillé, c'est trop dur. Ben oui, Zachary Richard fait des petits en France. HK et les Saltimbanques sont surtout connus pour On lâche rien, qu'on chante dans les grandes manifestations. On l'a sûrement chanté à l'ouverture du Forum social mondial, qui nous chante sans haine, sans armes et sans violence, de beaux classiques, un groupe qui gagne à se faire connaître et on leur souhaite le meilleur. D'ailleurs, je sais qu'ils ont l'intention d'offrir leur service au Festival d'été de Québec. Ce serait bien qu'ils amènent leur ambiance, leur chaleur. Merci, Lucie Sauvé, d'être avec nous. Ça me fait plaisir, M. Cloutier. Merci de pouvoir prendre un peu de votre temps et nous parler de ce texte titré « L'engagement écologique au cœur de la cité ». La meilleure école de l'éco-citoyenneté, d'ailleurs on se demande depuis quand on enseigne l'éco-citoyenneté, et la mobilisation elle-même. Donc pas besoin d'aller à l'école pour se mobiliser, Madame Sauvé. Oh non, c'est vraiment, je pense que ça fait pas partie encore des curriculums formels. L'éco-citoyenneté, on l'apprend en la vivant ensemble. D'ailleurs, effectivement, cet article-là est publié dans un numéro thématique là, de la revue Relations, s'intitule « Le réveil éco-citoyen, initiative et mobilisation ». Effectivement, le mot « mobilisation » est très important parce que c'est dans l'action, ensemble, en mettant, en partageant nos compétences, en discutant, en recherchant de l'information collectivement, qu'on développe une intelligence citoyenne. Qu'on développe sous forme d'une intelligence éco-citoyenne quand on élargit nos préoccupations là, à l'ensemble du milieu de vie. Vous écrivez, bien sûr, il y a les éco-gestes, les 100 petites actions de l'éco-civisme qui témoignent d'une forme d'engagement bien concret et qui font appel à la constance de l'agir au fil des jours. Le recyclage est un très bel exemple. Il faut, certes, célébrer ces avancées-là, écrivez-vous, les maintenir et les faire connaître largement. Mais les grains de sable qui s'amoncellent au quotidien sur la dune des comportements responsables offrent un rempart bien fragile contre la vague politico-économique actuelle. C'est bien dit. Effectivement, je pense que la citoyenneté, c'est beaucoup plus que le civisme ou la civilité ou les actions les actions du bon citoyen, ce qui est un excellent départ et je pense qu'il faut célébrer ça aussi. On a appris là à transformer nos modes de vie au quotidien et il faut poursuivre, mais je pense que c'est important aussi de se réapproprier la dimension politique du vivre ensemble, et c'est ça la citoyenneté. Ça fait référence à la réappropriation du pouvoir citoyen, du pouvoir de dénoncer, de revendiquer, de proposer aussi. En fait, et on se rend compte que dans la société actuelle, dans le contexte de gouvernance politico-économique actuelle, les élus prennent pas des décisions en faveur du bien commun. Ou encore, ils ont une conception très limitée du bien commun à un certain segment de la population privilégiée. Donc, ils prennent pas des décisions en fonction du bien commun. Et les exemples se multiplient au fil des jours, des mois, des années. Et puis, les décisions sont aussi axées sur un système législatif qui est complaisant, qui est incohérent. On s'est rendu compte que les décideurs n'étudient pas leur dossier, ce qui est assez scandaleux. Travaillent sous l'influence des lobbies, instrumentalisent la démocratie. Alors, on s'est rendu compte, finalement, en tant que citoyen, que c'est à nous, c'est à la société civile, la portion citoyenne de la société civile, là, d'assumer la très, très lourde tâche d'exercer une vigile critique de ce qui se passe en ce qui concerne les décisions qui nous concernent tous. Puis quand on parle de citoyens, on fait référence là, à l'idée de cité. On sait que chez les anciens Grecs, cité, ça se disait avec le mot polis, P-O-L-I-S, donc cité, politique, c'est le même univers de pensée. Et effectivement, la cité faisait référence à des humains libres, autonomes, qui se réunissent pour prendre ensemble des décisions qui les concernent tous. D'ailleurs, vous faites référence à Oikos, qui est la maison commune. Oui, exactement. C'est que on depuis quand même un certain temps, on parle de citoyenneté, puis on sait très bien que ça va bien au-delà du statut, du passeport et de la nationalité. Là, on fait référence justement à cette idée de citoyen ancré dans une cité où on va s'approprier aussi ensemble les espaces de pouvoir. Mais quand on parle d'éco-citoyenneté, ben là, on ajoute le préfixe éco, qui fait référence à oikos, chez les Grecs encore, ils avaient quand même une certaine sagesse. Et oikos, ça veut dire maison. Donc, c'est cette maison de vie partagée. C'est oikos, c'est la maison commune, c'est la nôtre, maison entre humains dans toute notre diversité, mais c'est aussi la maison de toutes les formes et systèmes de vie. Donc, quand on pense à notre communauté humaine, faut penser qu'on s'inscrit dans une communauté du vivant aussi. Hein. Mais... Puis, on s'en rend compte avec les phénomènes de la faim, de la soif, de la peur, à quel point notre humanité est ancrée là, dans un tissu de vie duquel, en tout cas, on ne peut pas se dissocier. Dans votre texte, Lucie Sauvé, et vous êtes professeur au département didactique et directrice du Centre R, le Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Mais ici, au Québec, il s'est passé quelque chose, dans le fond, le fameux débat sur les projets de développement des hydrocarbures a amené les citoyens à s'approprier un certain langage. « Touche pas à mon fleuve, le fleuve coule dans nos veines, je suis beluga ». Et on voit bien donc que c'est les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, qui se construit une identité revendicatrice, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le bien commun, en se fiant à nos politiciens actuels, s'érode. Alors, pourquoi ce sont les citoyens qui doivent se lever debout et non pas la classe politique? Ben, on se rend compte, oui, que cette tâche-là, qui est vraiment gigantesque, qui est incommensurable, de prendre en charge la vigile critique et puis de non seulement de dénoncer, mais aussi de proposer, ben ça nous revient. Et ça, si on avait des illusions, on les a complètement perdues là, au fil des années. Et oui, c'est intéressant d'observer ce qui s'est passé au Québec, en particulier autour de la question des hydrocarbures, d'abord le gaz de schiste qui s'est élargi ensuite à toutes les filières liées à l'exploitation des hydrocarbures. C'est intéressant parce que je pense qu'on retrouve là une mobilisation sans précédent. Bien sûr, il y a eu des mobilisations dans l'histoire du Québec, mais cette fois-ci, ça a pris une dimension territoriale impressionnante. Là, les premières alertes, les premières menaces à l'invasion territoriale, ça s'est fait quelque part en Montérégie. Et puis rapidement, les citoyens se sont organisés, se sont structurés. On rassemblait l'information qu'on n'avait pas du tout du côté des décideurs. Là, à un moment donné, on avait rencontré quelqu'un du ministère des Ressources naturelles qui, on leur demandait, mais d'où prenez-vous l'information pour nous dire que cette filière-là est sécuritaire? Bien, on dit, on la prend de l'industrie. Ben oui. L'autorégulation. Donc, quand on s'est mis à vouloir chercher l'information aussi, on s'est rendu compte que la loi sur l'accès à l'information était aussi une loi pour protéger l'information de l'industrie. Alors, on a appris à exiger l'accès à l'information qu'on a eu au compte-gouttes, mais quand même, on a appris à débusquer l'information, à construire du sens à travers tout ça. Je pense que les citoyens ont appris sur tous les plans, là, et c'est fabuleux. Je veux dire, ce mouvement citoyen-là au Québec, je pense, a mis en place une dynamique qui, à mon avis, est pérenne. Là. On peut pas revenir en arrière. Les citoyens ont beaucoup appris sur la dimension légale, la dimension politique, la dimension scientifique, les dimensions stratégiques en communication. C'est fou, les talents qui se sont mobilisés dans les comités citoyens, mais aussi les talents qui se sont manifestés, révélés, développés. Moi, je trouve que c'était un creuset d'apprentissage extraordinaire. Et on l'a vu pour le gaz de schiste. On l'avait vu d'ailleurs auparavant, hein, pour certaines luttes citoyennes comme la lutte contre la centrale thermique à Beauharnois, le Suroît. On l'avait vu contre les porcheries industrielles. Mais cette fois-ci, oui, ça a pris une dimension extraordinaire. Puis je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que oui, c'est le pas dans ma cour, mais c'est qu'on s'est rendu compte que la cour, c'était pas seulement celle des villages. C'est pas la ruelle. Non, c'était oui, ça commence par un sentiment d'usurpation, d'atteinte, d'invasion, mais on se rend compte que ma cour, c'est la cour du voisin, c'est la cour de tout le village, de toute la vallée, puis on se rend compte aussi que c'est la cour de tous les territoires occupés du monde, donc il se crée une solidarité, puis on se rend compte que dans notre cour, on est là, nous les humains, mais qu'on est ancré tous ensemble dans un territoire bien vivant, là, et qu'on fait partie des écosystèmes, et qu'on peut pas s'en dissocier. On a appris, entre autres, à reconnaître et revendiquer la valeur de l'eau, hein, et pas seulement en termes de valeur monétaire, là, comment l'eau est quelque chose de vital et à quel point il est impensable qu'on y porte atteinte. Je pour moi, ce réveil-là, il a été douloureux, il a été exigeant, il a été épuisant, et quelque part, à plusieurs moments, les citoyens se sont sentis floués par le système politico-économique en place, mais en même temps, ce réveil-là a permis, à mon avis, un développement de notre société québécoise dans un contexte aussi de réveil éco-citoyen, oui, comme le titre, le numéro de la revue Relations qui est plus global et qu'on a vu d'ailleurs se déployer au Forum social mondial en août dernier. Là. Tout à fait. Donc, on apprend en vous lisant aussi que, dans le fond, la gouvernance actuelle est axée sur des alliances politico-économiques et appuyée par un système législatif complaisant ou incohérent. C'est à la société civile que revient le rôle exigeant d'exercer une vigile critique, de lutter contre ou pour. Et si on prend juste l'exemple des paradis fiscaux, oui. Sans les citoyens, et puis là on parle de l'argent, des entrées d'argent d'un gouvernement, et il me semble que la gouvernance responsable, ce n'est pas justement de s'assurer que tous ceux qui ont à payer leur dû payent leur dû. Et je me souviens, cet été, je suis allé, j'en reviens pas encore, à l'inauguration du pavillon Pierre Lassonde. Oui. Pierre Lassonde, comme il me disait si bien en entrevue, pas de trait d'union, autrement dit, il n'est pas encore décédé, mais j'ai posé la question, j'ai dit, préféreriez-vous payer vos impôts? Il dit, bien sûr, parce que, un, c'est un citoyen de Toronto qui vit en Ontario, il n'a pas à payer des musées qui appartiennent au gouvernement du Québec, mais il a donné 10 millions comme ça, et c'est que de lui qu'on parle, alors que le gouvernement fédéral a mis 31 millions, puis probablement autant du côté du gouvernement québécois. On parle que de Pierre Lassonde, puis dans le fond, lui, il a fait un petit 10 millions pour sauver de l'impôt. Puis quand je lui pose la question directement, auriez-vous préféré payer les impôts? Il dit oui, parce que quand j'investis ailleurs dans le monde, ils investissent mal les impôts, je leur donne. Je préfère moi-même acheter un hôpital, moi-même acheter une école, la construire pour les Africains, pour les Latino-Américains, où j'investis. Alors qu'ici, je suis conscient que si je donne mes impôts, ils vont bien la gérer. Mais il a même pas fait. Il aurait donné 10 millions de plus au gouvernement du Québec et peut-être qu'on aurait eu moins d'austérité. Mais si les citoyens ne se plaignent pas des paradis fiscaux dont bénéficient les Pierre Lassonde de ce monde, qui va le faire? Mais exactement. Je pense que il y a un devoir là, de vigile critique. On se rend compte qu'on doit l'assumer. Hein? Et en ce qui concerne les paradis fiscaux, évidemment qu'on recommande à tous les ouvrages d'Alain Deneau, qui sont fabuleux, et les quelques vidéos aussi disponibles sur YouTube. Et entre autres, on a une très belle conférence d'Alain Deneau dans le site du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Ah oui? Oui, que je coordonne et que j'ai le bonheur de coordonner, et qui réunit environ 160 chercheurs scientifiques autour de la question des hydrocarbures. Donc, si on regarde le site du collectif scientifique, on a là tout un gisement d'informations sur la question des hydrocarbures, dont la conférence d'Alain Deneau. Mais il y a énormément de ces productions aussi auxquelles on a accès. Puis, vous évoquez aussi la question d'équité, de solidarité, de justice. Et de plus en plus, les questions écologiques sont envisagées dans une perspective de justice écologique. On va parler d'équité environnementale. On se rend compte de plus en plus que les questions d'ordre biophysique, écologique, d'atteinte au système naturel ont des liens, mais tellement étroits avec toutes les problématiques sociales. C'est les mêmes valeurs à la base de la violence entre les humains qu'on retrouve à la base de la violence contre la nature. Donc ça, c'est une thématique intéressante aussi, la justice écologique. On parle de justice climatique et puis vous avez évoqué tout à l'heure l'aide entre guillemets internationale, et vous avez ouvert là toute une boîte de Pandore, parce qu'effectivement il peut y avoir la tentation là, d'aller aider et d'y arriver avec nos projets, nos sabots, en raison de nos subventions. Mais je pense que c'est absolument essentiel d'arriver avec un regard très attentif à tout ce que peuvent apporter les cultures autres que les nôtres, et éviter surtout de ne pas leur mettre la chape de plomb de notre culture néolibérale. Et d'ailleurs, vous avez vu notre premier ministre qui est allé à Cuba pour ouvrir des chantiers commerciaux. Mais je me dis, si seulement il allait à Cuba pour célébrer les avancées en matière de santé et d'éducation de ce pays sous embargo. Ils sont arrivés à avoir l'un des meilleurs systèmes d'éducation et de santé au monde. Leurs éducateurs, leurs formateurs, leurs médecins sont réclamés partout. Oui. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Cuba pour aller s'inspirer de cette culture autre, de ces savoirs différents, ces mm-hmm. cosmologies différentes, plutôt que d'aller dire, on va aller imposer notre système de commerce et en profiter. Donc, oui, vous avez ouvert là des belles pistes. Oui, bien, merci beaucoup, Lucie Sauvé, directrice du Centre R, Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Est-ce que vous allez venir nous voir à l'exposition qui se déroule à l'Université Laval à compter du 18 octobre pour effectivement célébrer ce 75e anniversaire de la revue Relations? Bien sûr que je vais suivre toutes ces célébrations-là de cette revue qui nous présente des points de vue de solidarité, d'éco-socialisme tellement important. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une belle activité de soirée relations sur le revenu minimum garanti, une mesure de lutte contre la pauvreté. Encore une fois, je pense que c'est les éco-citoyens qui vont mettre ça dans la bouche du gouvernement du Québec quand on sait que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, est un spécialiste du revenu minimum garanti. On espère qu'il ne coupera pas trop dans les services pour offrir un service, un revenu minimum garanti. Donc, il y aura à Québec le mardi 27 septembre prochain de 19h à 21h au Centre culturel et environnemental Frédéric Bach, ceux qui connaissent sur l'avenue Salaberry. Au troisième étage, il y aura Evelyne Couturier, Sylvie Morel et Serge Petitclerc, qui est analyste et porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Il y aura Sylvie Morel, professeure au département des relations industrielles de l'Université Laval, Evelyne Couturier, chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique LIRIS, qui vont nous parler du revenu minimum garanti. Pensez-vous qu'on va y arriver, Mme Sauvé? Moi, j'ai confiance en en cette société là qui est en train de se déployer, de se développer d'une manière admirable et courageuse. En tout cas, l'écologie politique, comme vous le soulignez si bien dans votre texte, est peut-être l'avenir, mais ça, Henri-David Thoreau nous en parlait il y a 150 ans et plus. Oui, mais faut être patient, faut être courageux. Ouais, comme mon ami Pierre Falado disait, la terre est patiente, les bœufs sont lents. Oui. Merci, Lucie Sauvé. Je vous remercie. Merci, Étienne Blondeau. À la prochaine. C'est À Grain de Sable. Ici Jean Cloutier. Restez avec nous, les Geeks contre-attaque. Le 25 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la cité Limoilou Sport Expert vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez le 5 km Desjardins ou le 10 km IGA Pierre-Jeux-Bidon. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Réservez votre dimanche 25 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. La course de la Cité Limoilou Sport Expert est organisée par la SDC 3e Avenue Limoilou en partenariat avec IGA Pierre-Jeux-Bidon, la Caisse Desjardins Limoilou, le député de Beauport-Limoilou Alupa Clark et le député de Jean-Lesage André Drolet. Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88 558 86 58. JacquesDulac.ca. À chacun son style. Moteur. Jusqu'au 24 septembre, c'est la fête du cinéma. La 6e édition du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Découvrez de nouvelles œuvres, des projections inédites et des films de renommée internationale. Nos lieux de diffusion s'habilleront en rouge et bleu pour vous recevoir. Place Diouville, le Cabaret, le Musée national des beaux-arts du Québec et le Palais Montcalm. Pour les détails sur la programmation du Festival de cinéma de la Ville de Québec, fcvq.ca. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1. choisir? Matelas Confort, parce que les prix du fabricant sont les plus bas. Choisissez Matelas Confort pour une qualité unique et des produits du fabricant qu'on ne retrouve pas ailleurs. Un choix illimité de matelas, des lits articulés haut de gamme et durables. Des produits à la fine pointe de la technologie. La livraison gratuite et plus. Passez-nous voir, nous sommes tout près de chez vous. La qualité du fabricant, c'est Matelas Confort. 1605 Boulevard Henri Bourassa, matelasconfort.com. Matelas Confort. Du 15 au 25 septembre, l'art performance envahit la ville de Québec. La 19e édition de la Rencontre internationale d'art performance présentera des artistes du Canada, du Pérou, de Taïwan, du Portugal, de l'Allemagne et de la Slovaquie. 24 artistes présenteront des performances au 736 rue Saint-Joseph-Est du jeudi au samedi à 20h. Les conférences CELA se dérouleront les dimanches 18 et 25 septembre à 13h au lieu Centre en art actuel, 345 rue du Pont. Les laissez-passer et billets sont en vente à la porte les soirs de performance. Information riap2016.org. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale Saint-Roch vous propose L'impureté de Larry Tremblay. Des récits imbriqués qui mélangent l'amour, l'amitié et la manipulation avec une double chute étonnante et percutante. Un court roman à lire d'un trait. Et Gabrielle de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Station Eleven de Emily St. John Mandel. Un roman éclaté où les destins croisés forment un tableau post-apocalyptique d'une grande lucidité. Station Eleven nous rappelle comment la culture et la création